Thank you. Thank you. déjà bien d'y penser. Je pense que demain matin, je vois du mal à me lever. T'as vu le cirque dehors? T'as vu le mensonge de pire en pire? Depuis que j'ai appris à voter, c'était Marine ou Le Pen ou l'épouvantail. Chirac à 80%. Putain, c'est la Starac depuis le début. Comment veux-tu ne pas t'en rendre compte quand tous les mécanismes sont dévoilés à la volée, quand tout est fait au su, quand tu vois que ça marche, quand tu vois que ceux qui s'attachent, quand tu vois que ceux qui vont à raison de 65 ans, ils bossent plus depuis 55 ans. Allez, vas-y, crache. Tout pour moi, rien pour les autres. Crache. Ils ont grossi, c'est des cockroaches. Rappelle-toi la solidarité. Tes grands-parents, c'est ce qu'ils ont fait. Ça pourrit d'être. Tu mérites de crever. Bientôt c'est la fin des supermarchés. Allez, moi je dois encore pisser. Et je vous laisse deviser, je vous laisse aller. Au vitriol. Allez, tire. Ça fait bientôt 200 ans et rien n'a changé, à part que la terre est en train de crever. La terre est entrée dans une phase en vous nous aider. La terre est entrée, maman est entrée et elle est en train de les gronder. Est-ce qu'on va les aider? Est-ce qu'on va les aider? Reste comme toi.